Flash Spécial. Jean-Marie Le Pen, nous sommes surpris, car il paraît qu'aujourd'hui, vous voulez nous parler cinéma. Oui, tout à fait, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous, je voulais vous parler d'un très bon film qui vient de sortir avec une espèce de grand discographe bien coiffé qui gesticule beaucoup, mais sans aucun effet, avec une espèce de petit roquet qui donne l'impression d'être le chef. C'est lui qui commande, n'est-ce pas? Et en fait, il est aussi utile que le grand discographe. Alors, voyez-vous, n'est-ce pas, ils sont entraînés tous les deux dans une espèce d'histoire de bateau. Enfin, une sorte de frégate, et il y a une espèce de contrat dans ces frégates. Enfin, ça peut être un bon film d'aventure, c'est une grosse histoire de magouille. Aïe. Excusez-moi, on a du mal à vous suivre, mais vous voulez bien sûr parler de Tintin et Milou? Pas du tout. Je vous parle de Villepinpin et Milou. Ben, Milou, c'est le nabo, bien sûr. Ça m'éclate, elle est bonne. Villepinpin et Milou. Et vous savez qui je prends pour la castafiore? Ah non? Eh ben, la mère Aubry. Elle nous les brise. Alors, Cécile Duflot, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, oui, vient d'annoncer qu'elle serait candidate aux législatives à Paris, ce qui n'a pas plu du tout à Bertrand Delanoë. Alors, heureusement, M. Delanoë est là. Vous êtes, paraît-il, furieux de cette candidature. Enfin, pas du tout, Philippe Bello. Enfin, réfléchissez. Les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent et qui me font confiance doivent savoir qu'Europe Écologie Les Verts, c'est pire que moi. C'est les emmerdes à tous les coins de rue. Les couloirs de bus qui paralysent toute la circulation dans la capitale, à côté de ce qu'ils vous feront, c'est de la gnognotte, hein. Mes pistes cyclables avec collision assurée à tous les carrefours, c'est de la piste d'âne. Je veux que les Parisiennes et les Parisiens soient conscients que cette candidature de Cécile Duflot, ben c'est une énorme connerie, oui. Presque aussi grosse que le score qu'elle risque de faire. Il paraît, à ce qui paraît, que dans ses réunions, elle dit même qu'elle veut supprimer Vélib. Ah bon? Et pourquoi? Ben parce qu'elle veut virer toutes les pédales de la ville de Paris. Italie, oui. Nous avons appris la démission de Silvio Berlusconi. Ah. Alors, monsieur Berlusconi, oui. Comment allez-vous occuper votre temps libre? Bah, écoutez, vous le savez, je suis le propriétaire de la plupart des chaînes de télévision italiennes. Hein. Alors, en guise de revanche, pour les faire chier, tous ces connards-là, je vais passer mon temps sur toutes mes chaînes à dire du mal du gouvernement italien, de l'Europe, de la France, des États-Unis et de la Terre entière. Ah, très bien, mais comment comptez-vous vous y prendre pour dire du mal de tout le monde sur vos chaînes? Ah ben c'est très simple, j'ai embauché Jean-Marc Morandini. Nous venons d'apprendre, très important, qu'Anne Sinclair va sortir un livre sur Dominique Strauss-Kahn dans quelques jours. C'est pas un livre qui sort. Alors, Dominique Strauss-Kahn, ça vous fait réagir, j'imagine. Écoutez, Julie Leclerc, ça me fait... Ah non, pardon, c'est Philippe Bello. Ça me fait réagir et ça me réjouit. Ah? Ma charmante et ma très chère compagne Anne Sinclair m'a demandé mon accord. Et d'ailleurs, elle n'aurait pas pu écrire son livre sans ma participation, puisqu'il s'agit en fait d'un annuaire de 850 pages. Ah, un annuaire, mais de quoi? Écoutez, Julie Leclerc. Oh, Philippe Bello, pardon. Changer de coupe de cheveux, vous lui ressemblez trop. Un annuaire de 850 pages, des meilleurs coups que je me suis tapé depuis 2 ans et qui n'ont pas encore porté plainte.